Lille, 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voilà, donc nous sommes le mardi et voici l'émission du mardi après-midi. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne matinée et donc un bon début de semaine. Nous sommes ensemble donc bien toute l'après-midi avec des chansons de toute génération, tout simplement beaucoup de variétés différentes. Voilà donc et bien je vous laisse du côté de la musique avec en premier on va débuter l'émission avec Kimoy et puis suivi juste après avec Laura Burlingham et puis d'autres chansons différentes. Et bien donc et bien, je vous laisse du côté des chansons. Mais je suis là totalement jusqu'à 17h. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. so glad that we get up singing a song. Today nothing can be sad, and our love is so strong. We have breakfast just by the sea, taking our time, no job today. In the sunshine we agree, it's so nice when you say

écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Mon toit, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. C'était une fois. Je suis amoureux la nuit, le jour, au travail, n'importe où. Je garde cet amour par soleil ou temps gris, sous la neige ou la pluie. Je suis amoureux la nuit, le jour, quand vient le printemps, la saison d'amour, les arbres frileux en deviennent tout verts, et les amoureux ont des regards pervers. Et je vais dans les rues, parmi les bruits la cohue, en rêvant de tes yeux, de ta voix, de ton corps, de tes cheveux. Je suis amoureux la nuit, le jour, de cette bonne terre qui roule, qui tourne, de toute cette joie, de tout ce bonheur, immense comme la mer, tendre comme ton cœur. Je suis amoureux, mais de qui, grand Dieu, mais de toute la vie, de la ville qui brille. Je suis amoureux de tes gestes de fleurs, de ta robe où mon cœur tourne comme un manège. On peut prendre la vie triste, rose ou grise ou bien sinistre. Moi j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il me faut simplement être amoureux la nuit, le jour, au travail, n'importe où, et garder cet amour par soleil ou temps gris, sous la neige ou la pluie. C'est d'être amoureux, c'est d'être amoureux, c'est d'être amoureux, mais de qui, grand Dieu, mais de toute la vie, de la ville qui brille. C'est d'être amoureux de leurs gestes de fleurs, de leur robe où nos cœurs tournent comme des manèges. C'est d'être amoureux, soyons amoureux. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et je vous laisse avec le country, mais avant le country avec France Gall. J'ai à moi la clé d'un monde. sunrise, denim in the saddle, working horses out, herding cattle. Summer's hot, winter's cold, dawn to dusk is all he knows. Barbed wire, cedar post fences, branded man down to 4/6. There ain't nothing he can't fix, all the land is the way he lives. You get knocked down, get up again, do anything it takes to win. In the end, it's sink or swim. If there's any confrontation, take him down to the train station. Loyal down to the bone, earn his trust up in Yellowstone. Brand new life in the King County, repping Texas oh so proudly. Get knocked down, get up again, do anything it takes to win. In the end, it's sink or swim, you get out what you put. There's just some things that country ain't. handshake, showing up and staying late. Don't matter how much your friends make, take that 2 a.m. phone call. Country ain't about your southern drawl. It's saying what needs saying and owning when you're Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. cherry moon. My heart skipped a beat. It was far too soon. But something in the way you smiled said it might be true that all the dreams I've dreamed were leading me to you. Just one look from you and the world fades away. I don't know what to do when you look at me that way. Like I'm the only girl in this great big world. Oh darling, say you feel it too with just one. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue, j'ai des sapins, j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, mais tu sais j'ai envie. Là-bas, d'être en face et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus mes gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je veux que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Même tu n'es pas là, et si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, d'être en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide, je ferme le mur et je tombe dans le vide. Je suis Nathan à des fontaines, je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été, je mets du bateau dans mon quartier. Il est très beau, on peut cramer, la mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là, si je rêve tant pis, tant pis. Plus la nuit, et tu n'as pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Et tu n'es pas là, non, non. Et tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Et donc, je vous laisse avec David Hasselhoff et puis juste après du rock'n'roll. the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it would be long, that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long.

We could.

quem diga que fez cair a nossa roupa. Eu quero de novo, eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Arte esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia, os copos de cerveja, namora a noite inteira. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien donc si vous prenez l'écoute, et bien nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec beaucoup de chansons différentes. Et puis voici les deux titres tout simplement différentes de la même chanteuse qui s'appelle Lauriane Bach avec son nouveau album, avec c'est le EP bleu qui sortira le 29 de ce mois-ci. Donc et bien les voici les deux titres de Lauriane Bach. Mon amour, mon âme sœur, tu es partie un soir. Je sens encore brûler nos cœurs, nos sentiments fous, blancs et noirs. Sinon, sens-tu Prends mon cœur, bébé, il est à toi pour toujours. Prends mon cœur, bébé, il t'appartient. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec, il s'appelle eh bien Dan Peter et puis suivi de Ray Parker Jr. Il y a trop de jours où rien ne va, trop de questions, trop de pourquoi. J'ai trop mal, je veux. tes appels au secours me font souffrir. Trouver le soleil, embrasser le bonheur, changer le temps qui passe, tout remettre à sa place. J'aimerais tant que tu reviennes. Soudain, tout s'efface. Je n'ai plus d'identité. Ma seule raison de vivre, c'est de t'aimer. Prendre un nouveau départ sur les quais d'une gare. Laisser toutes mes angoisses sur les trottoirs d'en face.

petals have torn and believe my burning heart. Feeling all right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Avec Mireille Mathieu et puis deux chansons, une en solo et puis une autre en duo, et puis juste après elle ça sera Nana Mouskouri. Ma vie entre tes mains. fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May. Yeah.

matin, j'ai pris le pamplemousse et tu m'as dit salope. Moi qui manque de coffre et de cœur. Ta mère a marqué un but. C'est facile de compter les erreurs. Ça fait pas 3 heures que t'as mangé. Quand on ne joue pas la scène. Mais l'erreur est humaine, soyons zen. Sans froid dans les veines, soyons zen. Plus de choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. Zen, zen. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je vous laisse avec deux morceaux de rap et puis on se retrouve après, juste après. T'as laissé quelques notes. T'as mis ta veste et m'a dit ah ce soir. J'aurais pas dû te laisser passer la porte. T'as fait des rêves, tu en parlais sans fin. Un peu naïf, mais toi tu voyais loin. Une bonne amie que tu aimais si fort. La seule amie qui t'a tourné le dos. Ton cauchemar commence dans la cour d'école. Des insultes ensuite, c'est des coups d'épaule. Toutes ces rumeurs auxquelles tu dois faire face. Et là, tu deviens la cible de la classe. Viens le soir, on s'oublie, très tiré de fatigue. Non, je n'ai pas vu les signes, ni les cicatrices. Tu m'as souhaité bonne nuit, maman. Dans les couloirs de l'école, toujours les mêmes qui te cognent. Mais quand on est jeune, on est con, Anne. Et t'es plus sensible que d'autres, un peu fragile pour les autres. Leur a-t-on eu raison de toi? Tu vivais l'enfer et tu gardais le silence. Non, tu n'étais pas seule, Anna. T'as ouvert tes fesses. Ce soir j'oublie tout,

Just a whisper, a ghost in the night, a fleeting vision. Gone with the light, I chase the echo of his soft hello, but he's just a whisper, I'll never know. His laughter lingers like a sweet perfume, a melody track in an empty room. I close my eyes and he's almost there, but open wide and he's just thin air. He's just a whisper, a ghost in the night, a fleeting vision gone with the light. I chase the echo of his soft hello, but he's just a whisper, I'll never know. I hear his voice in the rustling trees, a secret language carried on the breeze. I hold my breath and I strain to hear, but he's just a whisper that disappears. He's just a whisper, a ghost in the night, a fleeting vision gone with the light. I chase the echo of his soft hello, but he's just a whisper, I'll never know. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Et bien avant d'écouter d'autres chansons différentes, voici donc la programmation pour ce soir et demain, mercredi. Donc, eh bien, ce soir, à partir de 19h, 21h, vous allez retrouver Christophe et puis un deuxième Christophe entre 21h jusqu'à 23h. Et puis pour le mercredi matin, à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor, suivi dans l'après-midi entre 14h et 19h, Gloria. Et puis en soirée, à partir de 18h, 19h30, Violette. Et puis pour le jeudi matin, entre 9h jusqu'à midi, avec Armin Giraud. Et puis dans la soirée, entre 18h et 20h, Chantal. Voilà donc la programmation pour ce soir, demain et jeudi. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. années 60, c'était le mardi soir. Les années 60, c'était nos années folles. Première cigarette, première amourette, le soir assis sur un banc. Les années 60 sont toujours à la mode. On peut dire qu'on était là, c'est notre époque. Tapez dans les mains, oui, le Madison revient vite. Allez, salut les copains. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Thank you.

chants se parlent avec le cœur. Le vent des îles a fait de ma vie un océan de couleurs. Cultiver la différence, s'éloigner de l'intolérance, affronter mes peurs en pensant au calme, à la douceur, en chantant le sable chaud pour réchauffer les cœurs. Tout simplement pour parler de bonheur, c'est mes mots qui redonnent le sourire, l'envie de vous chanter mes souvenirs, vous parler de ma vie, vous dire d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon lit au fond du cœur. Faut parler, parler, parler de ma vie, vous dire d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur, j'ai mon lit au fond du cœur. Faut parler, parler. Tu viens, Et bien je laisse avec la chanson tropicale. Donc 16h52 minutes, et bien c'est ce morceau qu'on va se guider tout simplement. Voilà, donc l'émission touche à sa fin, qu'on va se retrouver donc et bien vendredi prochain à partir de 13h30, et puis ainsi on se retrouve aussi pour le dimanche pour l'émission de l'accordéon à partir de 12h30. Voilà donc, et bien j'espère que tout s'est bien passé pour vous l'après-midi avec bien sûr les chansons différentes. Et puis donc, comme je vous ai dit, si on se retrouve vendredi à partir de 13h30. Donc je vous dis bon tout ça à vous toutes. Tes mains m'enlacent. Dans ce tempo, nos âmes s'embrassent. J'arrête pas partager, on prend de l'élan. Nos rêves s'évaporent comme un doux instant. Avec toi, la vie danse. Sous les étoiles, on avance. À chaque fragment, nos cœurs s'unissent. Dans l'énergie, notre amour s'épanouit. Les rythmes battent. le frisson. On se réclame ma passion en fiction. Ensemble on écrit nos propres chansons. Sur le dance floor, dans une autre princesse. Dans chaque maison, des sables en feu. Comment te met à l'heure d'être en ce chef. Devant le sanglier, ce qui est tout s'éveille. Pour ce monde, notre amour résonne. Nos voix s'entrelacent sur un air de fête. Chacun son partage et la magie se prête. Emporté par le son, nos corps s'élancent. La nuit nous appartient, on danse sans transe. Chaque battement de musique tout en bas. Quand ton souffle chaud réchauffe mon cœur. Dans cette danse où se plie on a peur. Avec toi la bibi. Sous le ciel on sent son s'émerveille. Les étoiles s'allument. Me battent et nos rêves s'enlacent. Nous sommes des étoiles et toujours n'en passe. Des mots s'allument, un pain me prend sa nage. Des vœux c'est pas faire de guerre me sans passe. Avec toi la vie pulse. Dans ce rythme on ne reculait pas. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Le restaurant Le Tamariz organise ce samedi 28 juin une soirée francésine avec la présence de Fernand Martins. Le menu francésine plus bière est à 15 euros. Alors réservez dès aujourd'hui votre place au 06 26 80 37 05 et rendez-vous ce samedi au restaurant Le Tamariz rue des Fossés à Fleury-les-Aubrais. Au os Amor Eletro. Antes das notícias, temos a atualização à hora certa. Pedes-me que monte como se de roupa se tratasse, como se pudesse trocar o meu ser por um outro. Para te chegar, eu tento. Troco a camisa e as calças, visto calções e uma camisa só de alças. E aguento. Longe da vista.